Chapitre 6. Les saints sont conduits d'Osaka à Meako et de Meako à Osaka et à Sakai. Dès que les trois saints reçurent la nouvelle qu'ils devaient partir pour Meako, ils furent remplis d'une joie toute céleste. Jean Swan, ou de Goto, tomba à genoux et remercia Dieu de ce qu'il l'appelait au martyr. Le bruit du départ prochain des confesseurs attira autour d'eux plusieurs chrétiens appartenant aux premières familles de la ville. Entre deux de ces fervents disciples du Christ, il s'éleva une dispute pour savoir qui avait le droit de prendre la place d'un des trois confesseurs si tous n'étaient pas conduits au supplice. L'un et l'autre alléguèrent si bien leurs droits que Jean Swan commença à craindre qu'il ne fût supplanté. Il s'adressa aux gardes et leur demanda la permission de se rendre chez le gouverneur et de lui exposer que, ayant été enregistré sur la liste des condamnés, il ne pouvait en être effacé pour faire place à d'autres plus puissants que lui. Il demanda aussi au père Moréjon la permission de faire cette démarche. Pendant que la sainte troupe était en route pour se rendre d'Osaka à Meako, Paul dit à ceux qui l'entouraient « C'est aujourd'hui la fête du Saint-Nom de Jésus à la compagnie duquel j'appartiens, malgré mon indignité. C'est un mercredi, jour où le Seigneur Jésus a été vendu aux Juifs. On dit que nous mourrons avec lui un vendredi. Je suis rempli de joie de ce que, ne méritant rien de pareil, je puis imiter en quelques petites choses mon Sauveur, qui a tant souffert pour moi. » C'était le 1er janvier 1597 qu'il parlait de la sorte. On n'avait pas encore détaché alors le mystère de l'imposition du nom de Jésus, de la fête de la circoncision, qui est encore la fête patronale de la compagnie. La première nuit que les confesseurs passèrent dans la prison de Meako, on entendit Paul se dire à lui-même « Quelle joie pour moi ! À 33 ans, âge auquel Jésus nous a sauvés, je puis m'offrir à lui en sacrifice. Je suis parti d'Osaka le jour où Jésus, dans sa circoncision, a répandu son premier sang pour nous racheter. Je suis chargé de chaînes un jeudi, jour où Jésus l'a été. Demain, vendredi, je serai conduit par les rues de Meako. » Et en prononçant ces paroles, il répandait des larmes de joie et s'épanchait en remerciement devant Dieu qui lui accordait la grâce de ressembler en quelque sorte à Jésus. Le père Nishi n'eut pas plus tôt appris leur arrivée à Meako où il était demeuré qu'il se fit un devoir de travailler à leur délivrance. Il députa auprès du gouverneur Xibonojo quelques personnes pour lui représenter que les trois jésuites n'avaient été amenés à Meako que par une erreur du gouverneur d'Osaka et que cela s'était fait contre l'intention de l'empereur. Xibonojo répondit que c'était un malheur auquel il ne voyait pas de remède. « Car, dit-il, si j'en parle à Taiko-sama, qui croit qu'il n'y a plus de jésuites à Osaka, il se fâchera, et il est en état de donner de nouveau l'ordre de faire crucifier tous les missionnaires indistinctement. » Quelques chrétiens firent à leur tour une démarche auprès d'un officier de Xibonojo. Ils lui promirent une somme considérable d'argent s'il obtenait l'élargissement des trois catéchistes jésuites. Le père Nishi, craignant que des actes pareils ne devinssent une coutume, blâma vertement cet essai de corruption. Paul Miki, qui en eut aussi connaissance, écrivit à ses libérateurs indiscrets une lettre de plainte. Il y disait « Est-ce là la charité que vous avez pour moi ? Dieu me fait une immense faveur, dont vous devriez vous réjouir et louer l'infinie bonté de Dieu. Est-il possible que vous me priviez de cette grâce ? Mais Dieu permit que, contre la coutume, cette tentative répréhensible n'eut aucun succès. Le 2 janvier vers le soir, on apporta de la part de Xibonojo une lettre à l'adresse de son lieutenant. Elle contenait l'ordre d'exécuter les prescriptions de l'empereur à l'égard des franciscains et de leurs adhérents, de ne pas se mêler des jésuites, mais de les laisser au pouvoir de l'officier du gouverneur d'Osaka qui les avait amenés. Cependant, l'idée de mourir martyr continuait à transporter Paul de bonheur et son zèle pour le salut des âmes y trouvait un nouvel aliment. Désirant consacrer ce qui lui restait de vie à la prédication de Jésus crucifié, il se mit aussitôt à parler aux geôliers et aux malfaiteurs qui l'environnaient des choses de Dieu et du salut. Il le fit avec tant de chaleur et d'efficacité que deux de ses auditeurs improvisés promirent de se faire baptiser à la première occasion. La passion du Sauveur faisait aussi l'objet de ses conversations. Il en discourait avec un sentiment, une éloquence ineffable. Puis, passant à la gloire du martyr, il félicitait ceux à qui Dieu faisait cette grâce. Un militaire noble qu'il avait converti et baptisé à Osaka dans le temps même de son emprisonnement, avec 5 autres personnages honorables, en fut si touché que sans crainte aucune de la mort, il se déclara chrétien devant tout le monde. Le lendemain, les martyrs, au nombre de 24, furent conduits à pied, les mains liées derrière le dos, sur une grande place de la ville haute de Meako. L'empereur avait ordonné de leur couper les oreilles et le nez. Mais Xibonojo, qui n'avait pas encore perdu toute espérance de pouvoir les sauver, se contenta de leur faire couper une partie de l'oreille gauche. Victor Noda Ginzuki, secrétaire du gouverneur d'Osaka, était là. Il avait accompagné les martyrs jusqu'à Meako. Lorsque les bourreaux jetèrent à terre les bouts d'oreilles qu'ils avaient coupés à nos 3 saints martyrs, il les ramassa et les porta au père Nishi. Le vénérable vieillard les prit en main et, versant des larmes d'attendrissement, « Voilà, dit-il, les prémices de la compagnie de Jésus au Japon. Voilà le fruit de ses travaux. J'offre à Dieu humblement ces fleurs de sa nouvelle église. » Les assistants ne purent l'entendre sans pleurer à leur tour. On fit ensuite monter tous les martyrs, 3 à 3, dans des charrettes, et on les promena de rue en rue. Les 3 jésuites étaient entourés d'une brigade de soldats du gouverneur d'Osaka. On portait devant le cortège funèbre l'inscription suivante. Taiko-sama. Parce que ces hommes venus des Philippines, se disant ambassadeurs, sont cependant restés à Meako pour y prêcher la foi chrétienne, ce que j'avais défendu antérieurement d'une manière sévère, j'ordonne que tous, avec les Japonais qui se sont faits chrétiens, subissent le dernier supplice. Que ces 24 soient donc crucifiés à Nagasaki. Que tous sachent que je défends d'observer à l'avenir cette loi. Qu'on exécute ceci, je l'ordonne. Si quelqu'un n'obéit pas à cet édit, il sera puni avec toute sa famille. La première année de Sheyei, le 10e jour de la 11e lune. Une foule immense vint voir le triste spectacle. Les rues, les fenêtres, les toits étaient remplis de curieux. Chose étrange, comme on use de cette sorte d'exposition qu'à l'égard des plus grands criminels, la populace est dans l'habitude d'accabler d'opprobre les malheureux qui la subissent. Tout le contraire arriva en cette occasion. On voyait un peuple infini dans un morne silence, qui n'était interrompu que par des soupirs et des sanglots, qu'arrachait aux païens la vue de tant de personnes innocentes, si indignement traitées. Dans la sainte troupe, on voyait 3 enfants de 12 à 15 ans, qui chantaient leurs prières et dont la joie, la tranquillité et le sang qui coulait sur leurs joues avaient véritablement quelque chose d'attendrissant. Ils excitaient la compassion des plus insensibles, et de temps en temps on entendait crier « Oh l'injustice! Oh la cruauté! Quel crime ont commis ces enfants ! Et tant de gens de bien pour être punis comme des malfaiteurs. » Quelques chrétiens venaient après les gardes et leur demandaient en grâce de les faire monter aussi sur les charrettes, mais ceux-ci n'osèrent pas passer leurs ordres. Les martyrs de leur côté s'occupaient de la prière, tandis que le père Baptiste prêchait avec beaucoup de zèle, tantôt en espagnol, tantôt en japonais, le mieux qu'il savait. Mais il était encore très peu versé en cette langue. Lorsqu'enfin les confesseurs, ramenés à leur prison, sautaient en bas des fatales charrettes, Paul Miki rejoignit les franciscains, les embrassa et les remercia avec effusion de ce que, à leur ombre en quelque sorte, lui et ses 2 compagnons avaient obtenu ce grand bienfait. Ce que les gardes entendant, « Quelle race d'hommes est-ce » dirent-ils, « Où trouve-t-on des gens que les opprobres rendent ainsi heureux ?» Le lendemain, on plaça les saints martyrs sur des chevaux et on les fit partir pour Osaka, et de là pour Sakai, où ils furent promenés de la même manière et excitèrent les mêmes sentiments qu'à Meako.